Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Notre MRC possède un des plus importants parterres forestiers du Québec. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, l'avenir de la forêt repose sur son usage multi-ressources. La forêt, c'est notre richesse. À nous de la protéger. Soyons-en fiers. On va parler de vélo. La Véloroute des Bleuets, ben, c'est démarré depuis hier. Question de savoir un peu comment que ça va, les nouveautés, surtout dans le coin de Dolbeau, Mistassini, Saint-Félicien-Roberval. On parle avec la relationniste Cheryl Gravel, la relationniste de la Véloroute. Bon après-midi, Cheryl. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Cheryl, d'abord, évidemment, ça nous intéresse plus le coin de Dolbeau, Mistassini et Saint-Félicien-Pogameau. Mais avant de parler, quel genre de d'année que vous entrevoyez à la Véloroute des Bleuets? J'ai pas bien compris votre question. Quel genre d'année que vous prévoyez à la Véloroute des Bleuets? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'on prévoit avoir encore plus de monde? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entrevoit du côté des gens qui sont derrière la Véloroute des Bleuets? Oui, merci beaucoup. À chaque année, là, on attend un bon nombre de personnes, là, surtout au niveau du tourisme québécois et aussi à l'international. Donc, ça va venir augmenter là, le nombre, toujours un peu plus chaque année. Encore une fois, on a nos 65 ambassadeurs là, qui, depuis hier, en fait, hein, font du vélo autour de la Véloroute des Bleuets. Ils sont là pour assurer des services de mécanique et de premiers soins et également pour répondre à toutes les informations aux besoins. OK. Vous dites international. Est-ce que vous avez des demandes d'un peu partout? Est-ce que ça augmente d'année en année? Oui, exactement. Mais c'est certain que c'est notre objectif d'aller chercher un rayonnement à l'international, puis on obtient des résultats qui sont vraiment très intéressants. Depuis environ le mois de janvier, là, je voudrais, en venant du temps des fêtes, qu'on reçoit beaucoup de téléphones à chaque jour de gens qui proviennent, du côté de l'Europe, on parle de la Belgique, mais aussi dans le coin là, dans la section le plus nord-américaine, qui veulent des informations pour organiser leur voyage au courant de l'été. Donc, on devrait avoir des visiteurs, bon nombre de visiteurs encore. Surtout que le dollar canadien n'est pas fort, fait que sur le marché international, ça aussi, ça doit aider, là. Exactement. Écoutez, on pourra vous en donner des nouvelles à la fin de l'été. Hein. On fait toujours des statistiques, donc on a toujours... On a des dénombrements là, tout au long de la saison. Alors, on pourra vous donner un petit peu plus de résultats de tout ça, là, probablement l'automne. OK. Cheryl, les nouveautés maintenant. Oui, écoutez, bien là, dans les grosses modifications, dans le coin du Maligno, donc c'est vraiment la traverse de bateau là, dans le coin d'Alma à la Damantère. Donc, il y aura des rénovations là, qui seront faites. Le pavé sera refait dans cette section-là. Donc, ça fait partie des gros changements. On n'a pas exactement la date précise encore, sauf que ce qu'on sait, c'est que la traverse de bateau, au lieu d'être 5 minutes, elle va être de 15 minutes pour les utilisateurs. Donc, ça fait partie des gros changements. Sinon, ce qui vous intéresse, là, c'est dans le coin de Saint-Jean-d'Olbeau. Oui, ben oui. Ce que je pourrais vous dire, dans le coin de Sainte-Jeanne-d'Arc, donc il va y avoir, entre Péribonca et Sainte-Jeanne-d'Arc, il y a des travaux là, qui sont prévus, des travaux de pavage. Je pense que c'est un bon montant, je me rappelle bien. J'ai vu ça passer sur dans les nouvelles. C'est un bon montant qui va être attribué de ce côté-là. Est-ce que je me trompe? Bien, en fait, c'est ça qu'il y a un bon montant. Les montants sont attribués pour l'ensemble des travaux autour du lac Saint-Jean. C'est sûr que c'est pas le gros travaux majeur. Là, je pourrais pas vous dire en termes de chiffres exactement là, ça résulte en quoi. Par contre, là, il va y avoir un pavage, des travaux de pavage qui sont refaits. Là, okay. Ça va être bien intéressant. Du côté Saint-Félicien, est-ce que Roberval, Normand, elle passe. Oui, elle passe à Normandin. Qu'est-ce qu'il va y avoir de ce côté-là? Oui, au niveau de Normandin, il y aura des travaux de pavage au niveau des accotements du rang 4. OK. Donc, encore une fois, les dates à déterminer, malheureusement, on n'est pas encore en train de publier ça. Par contre, on inviterait les gens à surveiller notre site web. Donc, il y a vraiment une section de travaux sur la Véloroute des Bleuets. Les gens là, pourront, en fait, tout peu, là, l'ensemble des informations vont être disponibles. Et dès qu'on les a, là, on pourra tout inscrire cette information-là. Au niveau de Dolbeau-Mistassini, en gros, le tracé est assez fonctionnel. Donc, on n'a aucun travaux majeur de prévu. OK. Sinon, je vous dirais que ça ressemble pas mal à ça. Il y a des travaux là, déjà en cours au niveau du kilomètre 164 à Saint-Félicien. Donc, sur une section d'environ 100 mètres. Là. Donc, c'est en cours pour l'instant. OK. Année après année, ça vous de, il y a combien de montants d'argent qui sont l'enveloppe est de combien? Écoute, c'est difficile à dire parce que c'est vraiment de l'argent qui est injecté. On travaille de concert avec l'ensemble des municipalités okay. autour du lac Saint-Jean. Donc, en termes de montant, là, je peux pas vraiment vous dire de chiffres parce que c'est vraiment séparé là, selon chacune des municipalités dans les trois MRC là, qui entourent le lac Saint-Jean. Donc, et encore là, ça dépend des municipalités, ça dépend ouais. de la grosseur hein, du monde. C'est un pourcentage là, qui est déterminé en fonction du pourcentage de population. Okay. OK, effectivement. Bon. Cheryl, c'est la quoi? Je pense qu'on doit s'approcher de la 20e année, la Véloroute des Bleuins? Oui, exactement. La Véloroute, en fait, on a démarré en 2000 autour des ouais. années. Donc, il y a eu, oui, c'est ça. Donc, on approche les 20 ans. Là. Même, elle a commencé à exister là, même un peu avant. Là, donc, ouais. Environ 20 ans. Okay. Donc, ça commence à être. On a un parcours qui est maintenant 100% asphalté, donc c'est d'autant plus intéressant pour les visiteurs, les touristes un peu partout. Là, on est en mesure là, de faire parler de nous en bien. Là. Je peux vous dire qu'en ayant fait là, l'ensemble des salons, là, en fait, au Québec, là, puis même dans le secteur nord-américain, au printemps, là, puis à l'hiver, là, je peux vous dire qu'on a de très, très bons commentaires. C'est assez intéressant. OK. Puis l'hospitalité des gens du lac Saint-Jean, c'est doit y faire pour quelque chose. Hein. On est reconnu pour être très, très accueillant là, à l'extérieur. Oui, oui, exactement. On est très accueillant. Maintenant aussi, là, on a le guide expérience vélo hein, qu'on a fait en collaboration avec la Véloroute du Pierre-du-Saguenay. C'est sûr que ça permet aux gens qui viennent d'ailleurs, hein, les gens qui viennent de l'international, sont intéressés par l'ensemble du produit autour, en fait, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est intéressant de pouvoir leur offrir une variété de produits, là, puis d'attrait. Donc, avec, bon, notamment nos plages, l'ensemble des microbrasseries, les fromages, c'est vraiment très intéressant là, de venir nous visiter. On en est très fiers. En terminant, la grande majorité des touristes viennent de où? L'Europe, le Québec ou les États-Unis? Oui, on est, les chiffres exacts, là, les pourcentages, okay. je les ai pas devant moi. Par contre, c'est sûr qu'au niveau de le tourisme québécois, là, donc à l'extérieur, à l'intérieur de la province, mais à l'extérieur de Saguenay-Lac-Saint-Jean, on frôle le 50%. Mm. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens. Là, on peut vous dire qu'on a, en fait, il y a ça peut être une notion, entre 40 et 45% des Québécois qui connaissent la Véloroute des Bleuets. Donc, c'est assez intéressant comme chiffre. Là. OK. Et puis, sinon, là, on a un bon pourcentage aussi là, qui vient de l'extérieur du Québec. Et puis dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, si je ne me trompe, là, je pense qu'on est autour de 20-25%. Là, je ne veux pas vous induire en erreur. Okay. Donc, on ne va pas prendre mes chiffres là, trop en considération au niveau des pourcentages. Je vous les donnerai là, peut-être plus exactement à un autre moment donné. Ouais. Par contre, on a des chiffres qui sont très, très intéressants. Là. Ouais. Ils sont disponibles là, aussi sur notre site web en ce temps passant. Okay. Ouais. OK. Cheryl Gavette, gros, gros merci. Félicitations. Puis on va s'en reparler certainement durant l'année ou à la fin de l'année pour avoir un peu le bilan de l'année de la Véloroute des Bleuets. N'hésitez pas à nous rappeler. Cheryl Gavette de la Véloroute des Bleuets.